Bonsoir à l'écoute du journal Sans Papier, le numéro 14 de ce mois de février 2008. Ce soir, nous écoutons encore une fois pour la dernière, on peut pas passer notre vie à écouter Bernard Clairfailly, qui est bourgmestre de Scarbec et membre du Front de défense des francophones, qui est une composante du MR. Il est également député fédéral depuis peu, et il était député régional depuis une quinzaine d'années. C'est un entretien de Bernard Clairfailly que nous avons réalisé avec Tamara en juillet 2007. Donc il commence à dater. On vous le repasse parce que on vous cache pas que le journal Sans Papier manque un tout petit peu de reportage, mais la semaine prochaine, la semaine d'après, parce que la semaine prochaine vous avez rendez-vous avec les objecteurs de croissance, mais disons que la semaine d'après vous retrouverez de nouvelles informations, de nouveaux reportages tout frais, tout neufs du journal Sans Papier. Avant d'écouter une fois de plus Bernard Clairfailly, quelques nouvelles qui nous viennent de l'occupation du 91 rue Royale. Les occupants du 91 rue Royale ont donc cessé la grève de la faim au 50e jour, mardi passé, ils ont obtenu la promesse de l'Office des étrangers d'obtenir une carte orange, une carte de séjour de 3 mois donc, trois mois durant lesquels l'office va donc examiner les cas les plus pendants, les plus urgents, selon des conditions apparentées à celles qui avaient été prévues lors des accords de l'Orange Bleu, c'est-à-dire qu'on va essentiellement examiner le cas des personnes qui ont à charge des enfants scolarisés et qui sont résidents depuis plus de 3 ans en Belgique, et le cas des célibataires qui auront passé plus de 4 ans en Belgique, ainsi que le cas des personnes pouvant, selon la nouvelle donne, hein, l'immigration par le travail qui commence à pointer son nez, et bien les personnes qui pourront faire montre d'une offre de travail. Donc les occupants du 91 rue Royale sont encore au 91 rue Royale, toujours à côté de la colonne du Congrès aux soldats inconnus, où ils préparent donc le formulaire que on leur a distribué, qu'ils doivent remplir et qu'ils doivent accompagner d'un CV. Raison pour laquelle ils ont grand besoin d'assistance de la part de gens qui seraient bilingues, qui auraient du temps à consacrer pour rédiger ce genre de document. Vous pouvez aller leur prêter main forte. Il y a un appel qui a été lancé à ce sujet, donc au 91 rue Royale, derrière l'arrêt de tram 92, enfin vous connaissez. Et alors pendant qu'au 91 rue Royale on remplit des formulaires et on rédige des CV, eh bien l'UDEP Bruxelles continue son chemin et organise des AG tous les lundis à 18h30 à la salle Le Cosmos, qui se trouve juste en face de l'église d'Anderlecht. Et l'UDEP Bruxelles lance un appel à tous les sans-papiers susceptibles de vouloir rejoindre une nouvelle occupation. Il y a déjà 60 sans-papiers qui se sont réunis à cet endroit-là lundi passé et qui sont déterminés à entreprendre une nouvelle action pour obtenir leur régularisation. L'UDEP donc lance un appel à tous les sans-papiers susceptibles de vouloir rejoindre cette action. Demain, mercredi, on peut rappeler, se tiendra à nouveau le cercle du silence. C'est l'action qui a lieu tous les mercredis à 18h30 autour de la place de la Liberté à Bruxelles, juste derrière le 91 rue Royale. On se tient la main, on allume des flambeaux et on manifeste notre soutien à la régularisation des sans-papiers de Belgique. Voilà, c'était ce qu'on pouvait dire parmi les nombreuses dernières informations à faire passer.

Par rapport à la question de donc la, le gouvernement est en formation. En attendant, quel est le programme du MR dans cette négociation sur soutenir, donner les outils à l'Office des étrangers pour qu'il puisse avoir des critères clairs et entendus pour justement ces personnes qui sont en procédure de régularisation, en procédure d'obtention d'un titre de séjour, et pour les autres encore, la possibilité d'obtenir un statut de réfugié politique. Donc à la date où je vous parle maintenant, il n'y a toujours pas de formation pour créer un gouvernement. Hein, il n'y a que des discussions pour savoir qui pourrait peut-être venir négocier. Donc M. Dehaene vient à peine de commencer à travailler, donc on ne sait pas encore qui négocie quoi, avec qui et comment. Ça c'est un. Deux... a été votée récemment, il y a quelques mois déjà, une loi qui est censée réformer la procédure, qui fixe un délai plus court, qui modifie les procédures de recours, qui, sur le papier en tout cas, me semble être une amélioration, une clarification de la procédure. J'avoue, je ne suis pas un spécialiste du dossier, mais sur papier, je suis globalement satisfait de ce qui est prévu dans la loi. Ce qui est la question, comme souvent d'ailleurs en Belgique maintenant, c'est de savoir quels sont les moyens concrets et quelle sera la volonté concrète d'appliquer ce qui est prévu dans cette loi. Je ne suis pas, pour ma part, partisan de ce qu'on appelle de critères, je vais pas dire mis dans la loi, enfin, je ne sais plus quel terme vous utilisiez, critères objectifs. Donc, ça ne veut pas dire que je suis partisan de travailler à la tête du client. Loin de là, toute décision administrative, même de l'office étranger, est contestable devant les tribunaux. Si l'office étranger venait à être trop ou pas assez généreux, ben c'est contestable et la jurisprudence sera faite par les tribunaux qui auront à en juger. Donc, toute décision d'être motivée est motivée sérieusement. Mais mettre des critères trop précis dans la loi, ben c'est organiser la manière de contourner les critères ou d'organiser des filières d'immigration qui seraient fonction de ce qui rentre dans les critères. Donc ça, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Et j'étais étonné, j'ai remarqué avec intérêt que même dans le débat en France, aux élections présidentielles, les deux derniers candidats à l'élection présidentielle, tous les deux, se sont opposés à ce qu'il y ait des critères clairs et ont bien rappelé que l'accès au territoire est une politique au cas par cas, en fonction du dossier de chacun, de l'histoire de chacun, et qu'il faut pouvoir apprécier justement l'histoire de chacun, parce que dans certains cas, une histoire, même si le critère n'est pas là, mérite mieux d'être prise en compte par l'État belge que telle autre histoire qui pourrait peut-être rentrer dans des critères généraux, mais qui ne mérite peut-être pas suffisamment, qui ait une réelle volonté d'intégration en Belgique, c'était peut-être ailleurs dans un autre pays. Ou voilà. Bon. Donc il faut continuer à conserver un traitement au cas par cas, quand bien, mais en motivant chaque décision et en permettant qu'il y ait un recours contre ces décisions. Donc sur la question de vous n'êtes pas favorable à une régularisation massive, on entendait, concernant le fait que d'une régularisation à l'autre, la question reste la même, c'est-à-dire que ceux qui n'entrent pas dans les critères soit sont obligés de quitter le territoire ou se retrouvent dans la clandestinité au bénéfice de ceux qui les exploitent au niveau du travail, parce que toute personne sans droit et sans moyens doit travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et donc, par rapport à cette question du travail au noir, la régularisation peut, d'une part, légaliser leur situation sur le territoire et donc les faire sortir d'un marché clandestin, marché du travail, j'entends. Alors, quelle est la position du MR par rapport à cette problématique du travail et de, justement, la sécurité du travail pour les gens qui bénéficient de droits et qui se voient vers une pente difficile, puisqu'il y a un marché du travail noir, au noir, qui concurrence en fait le marché en clair, on va dire. Est-ce que c'est clair? Je comprends votre question. Elle se pose différemment selon deux catégories de personnes qui pourraient être captifs ou victimes de devoir travailler de manière non déclarée, illégale, etc. Il y a ceux qui sont rentrés sur notre territoire et sont en attente d'une décision définitive. Ceux-là sont les vraies victimes actuelles du système. Et pour cela, je vous ai répondu, il faut accélérer le mécanisme, il faut avoir la volonté de traiter rapidement le retard et de traiter plus rapidement les demandes pour qu'une décision rapide soit prise, un oui ou un non, et la capacité de faire exécuter les refus. Parce qu'évidemment, si on ne traite pas ça, il y a un problème. La seconde catégorie, justement, sont les gens qui sont vus opposer un refus, mais qui n'acceptent pas ce refus. et donc qui cherchent à rester néanmoins en Belgique ou à utiliser d'autres filières ou restent quand même. Et pour cela, on accepte le principe qu'à un moment, la collectivité en Belgique fixe des procédures, des critères, des règles qui donnent des droits à certains mais qui les refusent à d'autres, il faut les faire appliquer. Et malheureusement, on ne peut pas avoir de régime particulier pour ceux qui refusent alors l'application de l'ordre de quitter le territoire et aller inventer un système pour ceux-là qui ont refusé les mécanismes qui ont été mis en place démocratiquement en Belgique. Ça, c'est pas acceptable. Donc, ceux-là ne sont pas victimes. Ceux-là ont choisi cette forme-là d'exploitation et de vie. Je me permets de poser la question autrement. Si on la pose du point de vue patronal, on sait que en Belgique et pas seulement en Belgique, il y a quand même quelque part une demande de main d'œuvre dans certains secteurs, et même certains employeurs se plaignent de pas trouver la main d'œuvre chez des nationaux. Mm-hmm. Donc comment on peut si cette réalité là existe, est-ce que on va pas à terme devoir revenir à des formes d'immigration par le travail comme on a connu? Alors c'est un débat beaucoup plus large, c'est le débat du fonctionnement du marché du travail en Belgique. Et c'est bien plus global que la seule immigration. Même si le marché du travail est relativement proche du plein emploi en Flandre, c'est loin d'être le cas en Wallonie, loin d'être le cas à Bruxelles. Donc venir prétendre à Bruxelles qu'on a besoin de l'immigration pour résoudre des problèmes de manque de main-d'œuvre, je ne suis pas fermé à la question, mais enfin, c'est quand même pas la conclusion première qu'on puisse tirer de l'examen de la situation. Et le vrai problème à Bruxelles, c'est plutôt l'accès à la formation et la réorientation professionnelle vers une série d'emplois où il y a des demandes. Parce que c'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont en forte demande de main-d'œuvre. Et dans le même temps, on a près de 100 000 chômeurs à Bruxelles qui sont des chômeurs inscrits. Je ne parle pas encore des gens qui seraient sans papier et qui veulent travailler en plus. Donc, le problème de résoudre les tensions du marché du travail, l'immigration n'est pas aujourd'hui encore en Belgique une nouvelle manière de résoudre ça, comme c'était le cas dans les années 60, où on a fait des contrats avec le Royaume du Maroc, avec la République de Turquie, pour faire venir des travailleurs qui venaient s'installer ici avec des conditions spéciales, etc. On n'est plus dans ce cas-là. Mais ça mérite peut-être qu'on réfléchisse à notre politique d'immigration de manière globale et nationale et qu'on repense cette immigration en fonction de nouveaux besoins éventuellement du marché du travail. Ça oui. Mais il ne faut pas mélanger deux choses en matière d'immigration. Il y a l'immigration qui est celle que nous pouvons souhaiter comme société en disant « Tiens, on a besoin de tel type de main-d'œuvre en particulier, donc on permet à des gens qui ne trouvent pas de boulot dans ce secteur-là, dans leur pays, de venir chez nous, ou même dans certains cas qui ont du boulot chez eux, mais avec le risque de privilégier des main-d'œuvre qualifiées et donc de vider des pays du tiers-monde d'une partie de leur main-d'œuvre qualifiée. Hein, c'est le cas de l'Angleterre qui vide tous les informaticiens indiens ou des choses comme ça. Et donc, est-ce que c'est la bonne politique au niveau de l'équilibre mondial et de coopération au développement? Point d'interrogation. Et puis, il y a l'autre volet de la politique d'immigration, c'est que la Belgique peut et doit rester une terre d'accueil pour une série de gens qui vivent des situations catastrophiques, très difficiles dans leur pays, qu'elles soient des situations de guerre, des situations de difficultés économiques, c'est plus difficile à ce niveau-là, mais il n'y a pas que le volet emploi. On peut, dans certains cas, accueillir des gens qui viennent de pays en crise ou parce qu'ils font l'objet de poursuites particulières dans leur pays qui serait une dictature, quand bien même ils ont un métier, une formation qui serait bouchée en Belgique. Mais ça, c'est purement accidentel. C'est sans lien avec le marché du travail. On ferait venir quelqu'un qui, c'est vrai, il y a déjà du chômage dans ce secteur-là, mais peut-être que lui trouvera du boulot, peut-être qu'il se réorientera professionnellement vers un secteur en demande. C'est une autre chose. Est-ce qu'on doit entendre par là que vous êtes défavorable à ce que le président Sarkozy a appelé l'immigration choisie? Mais ce qu'a utilisé M. Sarkozy, c'est une belle formule. L'immigration choisie, c'est de réfléchir à la manière dont nous organisons l'immigration. Je n'ai pas lu exactement les détails des propositions de M. Sarkozy. Mais il propose, je crois, une immigration à l'anglaise, je vais dire, qui risque peut-être de concourir à faire venir en Europe des gens plutôt qualifiés, qui remplissent des manques du marché du travail. C'est peut-être très intéressant à titre personnel pour ces personnes-là, mais c'est peut-être pas la meilleure chose à faire en termes d'équilibre mondial ou de coopération au développement. Vous écoutez le journal Sans Papier Un entretien avec Bernard Clerfailly, bourgmestre de Scarbeck. À propos du travail, pour en terminer avec cela, aujourd'hui on délocalise nombreuses entreprises compte tenu de la concurrence du marché du travail de d'autres pays, mais il y a des choses qui, il y a des besoins ou des secteurs qu'on ne peut pas délocaliser, comme le soin des enfants, des vieilles personnes, le nettoyage. Et dans ce secteur-là, on retrouve nombreuses personnes qui n'ont pas de titre de séjour, mais qui par ailleurs ont acquis la confiance de leur employeur et travaillent. Et donc, à nouveau, la question c'est... En 73 ou dans ces années-là, on a mis la hiérarchie du titre de séjour supérieur au titre de travail. Est-ce que vous pensez que nous pourrions revenir sur cette préoccupation, sur cette hiérarchie avant, c'était pas solidaire, c'est-à-dire qu'on pouvait travailler sans titre de séjour et réciproquement, obtenir un titre de séjour sans avoir forcément la carte de travail. Aujourd'hui, on a l'obligation d'avoir un titre de séjour avant de pouvoir postuler un travail, voire parfois même, on doit avoir un travail et pas le titre de séjour. Enfin, c'est une situation un petit peu compliquée. Donc on a solidarisé ces choses-là. Est-ce qu'on pourrait revenir à une situation où, justement, on peut bénéficier d'un titre de travail sans avoir forcément le titre de séjour ? Alors, le secteur dont je vous ai parlé, donc le secteur non délocalisable. Soins à domicile. C'est vrai qu'on retrouve dans les secteurs de soins hospitaliers ou soins à domicile, enfin, maisons de repos, etc., beaucoup de personnes issues de l'immigration, de quelque forme que ce soit, parce que ce sont des métiers peu valorisés, des métiers assez lourds, pour lesquels il n'y a pas spontanément ou suffisamment spontanément de personnes vivant régulièrement en Belgique. Qui se propose dans ce secteur-là, ça pose question. Ça pose question. C'est d'abord là qu'il faut répondre à cette question. Ce serait pas sain de fonctionner, je caricature un peu le propos, mais de fonctionner, je caricature très fort ici, comme fonctionnent certains Émirats arabes qui font venir du personnel des Philippines comme personnel de maison, vraiment au bas de la gamme, hein, au bas de la gamme professionnelle, qui sont juste là pour travailler, et puis après d'ailleurs, lorsqu'ils n'ont plus d'emploi, on met fin à leur titre de séjour. C'est pas comme ça qu'on doit concevoir les politiques d'accès au territoire. Les personnes qui ont accès au territoire le sont pour progressivement ou rapidement jouir des mêmes droits sociaux, économiques et peut-être un jour civils et politiques que toute personne qui a accès au territoire. Donc c'est pour aussi avoir un profil personnel d'amélioration de sa situation sociale, de formation professionnelle, etc. Donc simplement dire que parce qu'au début on accepterait de rentrer et de faire les petits boulots que personne ne veut dans le bas de l'échelle, alors on aurait accès au territoire. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut décider de la politique d'accès au territoire de manière globale, pour elle-même, et puis gérer les autres difficultés propres à notre marché du travail, avec toutes les personnes qui sont sur le territoire. Mmh. Compte tenu que, travaillant, si on est régularisé, on paye une cotisation salariale, et ça fait fonctionner la sécurité sociale. Oui, mais ça pose une question grave par rapport au maintien de notre système social. Puisque nous avons d'une part beaucoup de chômeurs en Belgique qui, et c'est une chance en Belgique, peuvent profiter d'indemnités de chômage indéfiniment. Et dans le même temps, vous avez des emplois qui ne sont pas rencontrés. Si vous dites en permanence, on fait remplir ces emplois par des personnes qui viennent de l'extérieur, sans nécessairement trouver une formule pour d'abord faire se rencontrer offre et demande sur le marché de l'emploi, sans avoir géré cette question-là, on risque de mettre en péril à terme l'équilibre de notre système social. Et donc, de ne pas résoudre le problème belge de manière globale. Et j'entends bien la demande qui viendrait des personnes qui souhaitent avoir accès au territoire en disant « Moi, ça m'arrangerait bien de passer par là. » Certes, à titre individuel, c'est juste. À titre individuel, c'est assez légitime comme demande. Mais est-ce qu'à titre collectif, global, est-ce que le système entier y survivrait ? Ça, c'est la question qu'il faut se poser avant que les politiques, globalement, ou les citoyens puissent accepter ce genre de choix. Ça mérite d'être posé de cette manière-là aussi. Ça, c'est la grande difficulté qu'on a quand on fait de la politique. On rencontre des gens qui vous racontent une situation et on a envie de leur dire « Je suis de tout cœur avec vous. Mais si je le fais pour un, je dois le faire pour deux, je dois le faire pour 25, je dois le faire pour 1000. Et est-ce que pour 1000, je sais le faire ?» Hein? Et ça, c'est pas toujours le cas. Et donc la question, c'est qu'on a la responsabilité pour 10 millions de Belges, et donc il faut que ça tienne pour 10 millions de Belges. Et la grande difficulté de la politique, c'est ça, c'est gérer les choix collectifs pour l'ensemble des gens, même si on est souvent face à une personne qui vous demande une chose. Et là, les gens qui viennent voir les hommes politiques, à leur permanence sociale, ils leur demandent toujours un privilège, juste pour moi. Mais l'homme politique, qui veut toujours faire plaisir, bien sûr, doit dire, si je le fais pour vous, je dois le faire pour tout le monde. Et si je le fais pour tout le monde, c'est pas possible. Donc je dois malheureusement vous dire non, alors que j'ai envie de vous dire oui. Voilà le problème de choix de société. On continue encore sur le... On va sortir de là. C'est-à-dire que dès le moment où vous parliez de refus, vous parliez également de comment la société et l'État belge administrent ce refus. En Belgique, il existe depuis les années 80 les centres fermés comme antichambre de l'expulsion. Quelle est votre opinion et quelle est votre... Est-ce que vous êtes favorable à ce type d'infrastructure dans un État de droit ou non ? Et si oui ou non, pourquoi ? Mais il n'y a personne qui peut, on avait les yeux dans les yeux des gens qui y sont, dire que c'est extraordinaire, que c'est magnifique, enfin même pas, que c'est bien. Les conditions de vie dans ces centres ne sont pas agréables, loin s'en faut. Loin s'en faut. Mais c'est la question fondamentale que je posais de savoir, comment traite-t-on les personnes qui ont finalement, après une procédure démocratique, contrôlée par la loi, contrôlée par le Parlement, se voient opposer un refus dans l'accès au territoire. Aujourd'hui, c'est... dans quelle proportion ? C'est environ la moitié ? Hein ? Non ? 70% réfugiés politiques, 70% oui. Voient le refus. Oui, réfugiés politiques, mais... pour l'article 9.3, j'ai pas de chiffre en tête. Enfin, peu importe si c'est 50-50, mais quand bien même il y aurait 10% de gens seulement qui auraient un refus, comment traite-t-on ces 10%-là ? Et la plupart d'entre eux ne partent pas volontairement. Moi j'envoie, enfin mes services envoient régulièrement chaque semaine des ordres de quitter le territoire parce que les gens ont reçu un avis négatif de l'office étranger et donc il est transmis par une façon, même par la police qui va à domicile le remettre chez les gens. Alors, je sais que vous habitez là, vous avez un ordre de quitter le territoire, dans les 15 jours, dans le mois, dans les 2 mois, vous devez avoir quitté le territoire. Souvent 2 mois après ils sont encore là, hein. Donc si aucun des refus n'est exécuté, exercé, comment la société, la collectivité fait-elle pour gérer l'entrée sur le territoire, l'immigration ? C'est évident que si on n'exerce aucun des ordres de quitter le territoire, même par la contrainte, alors c'est pas la peine d'avoir mis en place tout le mécanisme. Alors autant tout supprimer et laisser rentrer tout le monde et gérer librement les relations. Et puis ceux qui n'ont pas de boulot, tant pis, partiront ailleurs et laisser alors la liberté du marché tout gérer. Je crois pas que c'est ça qu'on veut. On veut justement un système qui soit réglementé. Un système où il y a des règles. Et les règles, ça sert à quoi ? Dans un pays, ça sert à protéger le faible par rapport au fort. Les règles, c'est l'inverse de la loi de la jungle. Donc ceux qui plaident pour des règles, le respect des règles, c'est ceux qui veulent protéger le faible par rapport au fort. Mais vraiment, les règles, il faut les appliquer, parce que si on ne les applique pas, ça ne sert à rien de les mettre en œuvre. Et donc c'est toute la question difficile, pénible, d'exécuter les ordres de quitter le territoire. Et malheureusement, il faut le faire par la contrainte. Il faut le faire par la contrainte, puisque la plupart des gens ne le font pas spontanément. Et donc ça amène à des systèmes de contrainte, et donc ça amène malheureusement à des situations d'enfermement. C'est malheureux, c'est pas souhaitable, je pense qu'on ne gère peut-être pas assez bien le flux des gens qui passent dans les centres, qu'on ne gère peut-être pas assez bien les centres eux-mêmes, qu'on y met peut-être un peu trop de gens à la fois, qu'on ne gère pas assez dans ces centres la question des enfants, parce qu'il y a aussi des enfants, mais bon, les enfants, s'il y a eu un refus pour une famille, les enfants suivront les parents, on ne va pas garder les enfants et renvoyer les parents. Donc ces questions sont socialement lourdes et difficiles, mais dès l'instant où on a fixé des règles et qu'on est pour un état de droit et qu'on veut les appliquer, elles ne s'appliquent que par la contrainte. Et donc quelle est la forme de sécurité que ces personnes peuvent attendre dans le cas où on exerce une contrainte sur elles ? Cas d'expulsion, cas d'enfermement, sécurité mentale, on va dire, ou même psychologique des détenus de ces centres ? Je pense que toute personne, tout être humain vivant sur le territoire de la Belgique a des droits à son intégrité sociale, psychologique et autres, quand bien même il est, pour prendre un autre exemple, il a été mis en prison pour une affaire quelconque. Il est prisonnier en prison, il y a une contrainte qui s'exerce sur lui, mais il a des droits néanmoins en tant que prisonnier. Même chose pour quelqu'un qui serait un réfugié politique, qui se serait vu refuser son accès au territoire, il a des droits. Il doit être respecté dans son intégrité physique, intellectuelle, sociale, tout ce que l'on veut. Il a des droits. Ça, c'est évident. Et donc, c'est pour ça que la manière dont sont gérés ces lieux de contrainte, les prisons ou les centres fermés, enfin, je fais un peu le parallèle entre les deux, mais c'est très clair que ce sont tous les deux des lieux où la contrainte s'exerce. Ce sont tous les deux des lieux où la contrainte s'exerce. La contrainte publique, collective, nationale, s'exerce sur des personnes privées. Et un lieu de contrainte, c'est jamais un lieu agréable. Puisque personne qui est dedans n'y est volontairement. Donc par définition, c'est un lieu de tension. Par définition, c'est un lieu où la contrainte s'exerce, la contrainte, c'est pas agréable. Je veux dire, quand les forces de l'ordre font une opération pour attraper quelqu'un qui ne veut pas se laisser attraper, évidemment qu'on lui fait une clé de bras. Évidemment que dans l'exercice, peut-être qu'il a eu un bleu, évidemment. Sinon, il faut se laisser faire. Alors s'il se laisse faire, il ne se passe rien. Mais, voilà. Donc ça, c'est la contrainte. C'est l'exercice de la contrainte. Comment cette sécurité peut être envisagée dans ces cas-là ? Sécurité mentale quand j'entends l'enfermement des enfants, sécurité psychologique quand les détenus des centres fermés sont obligés d'avaler un médicament pour être tenus tranquilles. Voilà, c'est en ce sens-là quelle est la sécurité qui est dans ces cas-là éprouvée par ces personnes-là ? Comment est-ce qu'elle est envisagée L'objectif du service public qui a la difficile tâche de maintenir des personnes dans un centre fermé, ce qui n'est pas agréable ni pour ceux qui sont dedans, à mon avis, ni pour ceux qui doivent exercer cette mission. Ça ne va pas être facile d'être un travailleur social ou pas social, dans un tel centre. Ils ont pour objectif, évidemment, de créer les conditions les plus supportables possibles pour les gens qui vivent cette contrainte. Et c'est vrai que c'est triste qu'il puisse y avoir des enfants qui sont enfermés. Mais il y a aussi des enfants qui vivent en prison, de citoyens belges, parce que leurs parents ou leur mère, souvent, est en prison. Donc on ne sépare pas l'enfant de la mère. Et donc l'enfant naît et vit ses premières années en prison et va à l'école en prison. C'est triste, mais c'est comme ça, ça existe. On ne va pas libérer la mère, on ne va pas libérer toute femme criminelle parce qu'elle aurait un enfant. Sinon, ça créerait des distorsions de droit entre les hommes et les femmes, d'abord. Mais entre les femmes qui ont des enfants et celles qui n'en ont pas. Donc, ça créerait... Donc, de la même manière, il y aura sans doute de temps en temps... Enfin, il y a des enfants qui sont dans les centres fermés. Il y a des adultes dans les centres fermés. Et donc, c'est une question difficile que de gérer avec les personnes qui font l'objet de cette contrainte et qui la subissent, qui ne la souhaitent donc pas, de gérer avec eux la manière de fonctionner dans ce centre en attendant leur rapatriement. Et donc, c'est quelque chose de difficile. Alors, qu'on aille raconter ici ou là, j'en sais rien. Moi, je suis ni procureur, ni chargé de faire cette enquête-là, que dans certains cas, on puisse penser que tel médecin, infirmier ou travailleur social ait exercé une forme de pression sur tel travailleur, sur telle personne enfermée. Tout comme dans d'autres cas, on dira que tel maton dans une prison a exercé une pression, une contrainte, ou a abusé de ses droits à l'égard d'un détenu. Ça peut arriver. Et il est probable statistiquement que ça arrive. Donc ça arrive et ça ne devrait pas arriver. L'objectif serait que ça n'existe pas ou que ça n'arrive pas. Et donc la gestion des centres doit être telle qu'elle doit mettre les travailleurs en condition de ne pas exercer telle pression et prendre les sanctions qui s'imposent si c'est avéré. Peut-être pour terminer sur cette question, vous avez parlé de la gestion des refus, donc de trouver un contrat au niveau de l'État de droit en Belgique. Je pense que c'est en Flandre est prévue la construction d'une nouvelle aile d'un centre fermé. Quelle est votre opinion justement sur cette gestion, donc en sens de faire croître ces espaces de détention? Est-ce que c'est une bonne gestion du refus? Qu'est-ce que vous considérez là-dessus? Mais j'ai l'impression d'entendre votre question. Dans votre question, le fait que par nature un centre fermé est illégitime ou scandaleux et que ça ne devrait pas exister. Moralement, tout le monde préférait que ça n'existe pas. De la même manière que tout le monde préférait qu'il n'y ait pas de prison. Ben oui, Dans l'idéal, je préférais aussi que les prisons soient vides et qu'on ne doive pas en bâtir plus. De la même manière, je préférais aussi que les centres fermés soient vides ou qu'on ne doive pas en bâtir plus. Simplement, il y a un problème de gestion collective d'un problème social, à savoir qu'il y a une fraction des gens qui ont demandé l'accès au territoire, qui, sur base d'un examen par les administrations, etc., se sont vus opposer un refus, et que la collectivité, la société, a souhaité dans ce cas-là qu'ils n'aient pas accès au territoire. Dès que les gens spontanément ne partent pas, mais il faut gérer ce problème. Donc il faut pendant un certain temps les détenir en préparant leur rapatriement dans leur pays d'origine. Alors ce serait souhaitable que la gestion de ces centres soit telle que, comme les gens n'y sont que de passage, ils y restent le moins longtemps possible, qu'on puisse les remettre dans leur pays d'origine le plus rapidement, donc qu'on n'ait pas à stocker, je dirais, c'est un mot terrible, beaucoup de gens dans des conditions difficiles parce qu'ils sont les uns sur les autres, ils vont tous chacun dans leur pays, ils vivent déjà une très grande déception par rapport à leur projet de vie. Donc que ces circonstances-là, qu'on puisse gérer dans la meilleure manière possible cet ensemble de personnes. Moi, je ne suis pas responsable de la gestion de ces centres. J'entends, comme tout le monde, les plaintes qui sont exprimées par diverses associations régulièrement. Je me doute qu'il y a dans ces plaintes une partie qui est imputable au dépit qu'ont les personnes d'y être, certainement, qu'il ait fait exprimer des plaintes, de quelque manière que ce soit. Et c'est logique et légitime qu'ils aient une plainte. Mais ça ne doit pas changer le choix de la société qui a été fait. Et puis une autre partie des plaintes qui est imputable sans doute aux mauvaises conditions de vie, de traitement, ça je n'en sais rien, mais de vie en tout cas dans les centres. Et qu'un État moderne se devrait, même dans des circonstances pareilles, de gérer au mieux les circonstances de vie des personnes qu'il est amené à détenir. Moi, la question, je la poserai par rapport à ce que vous disiez par rapport aux critères, et ça rejoint aussi la question des centres fermés. On a l'impression qu'il y a une impression, en tout cas globale, d'arbitraire dans la politique d'immigration en Belgique. C'est-à-dire que la détention en centre fermé paraît arbitraire parce qu'elle correspond effectivement à une peine de prison, mais sans qu'on voit vraiment de quelle faute il s'agit au départ. Et puis, on a l'impression que sur tout ce qui est l'activité politique des sans-papiers, qui essayent de se fédérer pour faire entendre leur situation, simplement, il y a une activité qui consiste aussi à faire des arrestations ciblées dans des militants, etc. Et on a l'impression que globalement, la politique, ce serait de faire régner comme ça un climat un peu délétère où on ne sait pas trop quand on va être arrêté et savoir pourquoi on est arrêté. Alors, est-ce que ce sentiment-là est purement subjectif, qu'on prête des intentions qui ne sont pas, ou est-ce qu'il y a réellement une façon comme ça de faire la police avec peu de moyens, et notamment en effrayant les gens ou en montrant à grand renfort de tapage qu'on agit, qu'on fait des choses ? Je comprends mal votre question. Est-ce que vous voudriez qu'on arrête toutes les personnes qui devraient l'être plus rapidement ? Non, le problème, c'est j'entends, de... Non, j'entends bien votre question, mais je vous réponds de manière provocante. Vous semblez, dans votre question, dire toute personne qui a reçu un ordre de quitter le territoire et qui ne l'exécute pas spontanément, qui est donc, c'est la loi, susceptible d'être mis en centre fermé en attendant que l'État organise lui-même son rapatriement. Un État qui gérerait totalement le problème mettrait en centre fermé tous ceux qui sont dans ce cas-là. Or, par manque de moyens et d'organisation, l'État n'en met que, disons, 10%. Et il y en a 90%, entre guillemets, dans la nature. Et de temps en temps, on va en attraper 3 ou 4 ou 5 ou 10 de plus. Et donc, ça crée une injustice par rapport à ceux qu'on n'a pas attrapés. Le problème, c'est qu'ils doivent tous être, entre guillemets, attrapés. On ne peut pas crier à la justice en disant « il faut tous les libérer », sinon c'est contester la loi. Dès l'instant où la loi s'applique, la seule injustice qui puisse être, c'est que certains sont encore en liberté plus longtemps que d'autres. Aussi terrible que ça puisse être. En disant ça, je fais le rigoureux extrême, et ce n'est pas le rôle le plus agréable. Mais sur le plan légal, sur le plan même moral, c'est la seule inéquité qui puisse être, c'est que certains sont plus longtemps en liberté alors qu'il ne devrait pas l'être. Si je dis ça, je vais me faire des amis. Mais vous comprenez ce sentiment d'arbitraire par rapport aux critères, je veux dire, par exemple? Oui, je peux comprendre, mais je ne sais pas si quelqu'un a jusqu'à présent prouvé ça. Donc, je comprends le dépit dans lequel sont ceux qui ont eu un refus. Tout comme je comprends la joie de ceux qui ont eu une acceptation. On a vu des reportages télévisés récemment sur les deux cas. Les uns sont très heureux, les autres sont très dépités. Mais je vais prendre une image. Comparaison n'est pas raison. Mais moi, ici, la commune de Skerbeek, nous contribuons à délivrer des permis de bâtir. Enfin, des gens qui introduisent des demandes pour rénover leur maison. Il y en a qui obtiennent leur permis, ils partent avec un grand sourire, on ne les voit plus. Et ils disent, c'est normal, j'ai mon permis, j'ai fait un bon projet, c'est normal. Et puis, il y en a qui ont un refus pour leur permis, qui à chaque fois a été examiné par plein de fonctionnaires différents, qui a été soumis en quête publique, les voisins donnent leur avis. Il y a plein de gens qui ont regardé tout ça. Donc c'est difficile d'aller dire qu'il y a eu un fonctionnaire mal intentionné qui était emmerdé. Ce monsieur-là, hein, non, ça a été vu par plein de gens. Il y a des règles qui s'appliquent, mais on doit appliquer les règles au cas par cas, parce que c'est jamais mathématique, c'est comme ça. Celui-là qui a eu un refus, alors celui-là, je le croise le lendemain dans la rue ou la semaine suivante, il signe une pétition en invoquant que c'est scandaleux, qu'on n'a pas respecté les règles, que c'est fait à la tête du client, qu'on le cherchait lui et pas les autres, parce que lui, il est d'origine turque, donc c'est qu'on est raciste, ou parce que... Bon. Et c'est celui-là qui me raconte des tonnes de choses. Je n'ai pas, parce que j'ai des plaintes de ceux qui sont vus opposer un refus, même si on peut examiner certains dossiers, j'ai pas le sentiment que globalement, à la commune de Skerbeek ou d'ailleurs ailleurs dans Bruxelles, on ne délivre les permis de bâtir de manière scandaleusement malhonnête. Au contraire, je crois que globalement, on applique les règles, on les applique au cas par cas. Donc aucun cas n'est tout à fait comparable à un autre. Quand on dit la hauteur de 13 mètres sous corniche dans tel bâtiment, on a une fois admis une corniche à 13,20 mètres et dans l'autre cas, on l'a refusé à 13,10 mètres. Oui, mais il y a d'autres circonstances qui font que les dossiers ne sont pas les mêmes. Et dans un cas, on aura accepté un Ghanéen qui est là depuis 4 ans et l'autre cas, on aura refusé un Ghanéen qui est là depuis 5 ans. Ah oui, mais il y a d'autres circonstances, il y a sa famille, il y a son engagement. Voilà. Mais je n'ai pas pour autant le sentiment, parce qu'il y a le dépit de ceux qui ont eu un refus, qui cherchent évidemment, ne connaissant que leur dossier, qui cherchent des éléments dans leur dossier qui serait le traitement scandaleux qui leur aurait été fait, j'ai pas pour autant le sentiment que toute la politique, globalement, est une politique qui est faite par des gens malhonnêtes, qui sont sans froid ni loi. Non. Je crois que la plupart, et même pratiquement tous les fonctionnaires de l'Office étranger ou tous les services, font globalement leur boulot honnêtement. Honnêtement, même s'ils sont parfois un peu dépassés, s'ils n'ont pas toujours tout vu, s'ils peuvent commettre une erreur de temps en temps, ça existe. Mais globalement, ils font tous leur métier honnêtement, en fonction des injonctions qui leur sont données par le Parlement et qui représentent l'ensemble de la population belge. Mais il en reste un dépit de ceux qui ont un refus. Oui, il faut gérer ce dépit, et ce dépit fait plus de bruit que le sourire de ceux qui ont eu leur papier. Et toutefois, ce sentiment d'arbitraire risque de grandir si jamais il n'y a jamais de transparence sur les critères. Vous voyez, est-ce que c'est pas un... Est-ce que... Est-ce... d'exception, alors, peut-être un peu. Non, je veux dire, les personnes qui ne sont pas satisfaites peuvent toujours introduire un recours. L'exemple des permis de bâtir, je connais que c'est très différent de parler de briques et de parler de la vie des gens, hein. Mais en termes d'exercice du droit, c'est le même type de problématique. En urbanisme, il y a des règles, mais qui doivent s'appliquer chacune au cas par cas. Hein? Et je vous dis, on doit parfois accepter, on ne dit pas plus haut de 13 mètres la corniche, et parfois on accepte une corniche à 13,10 mètres, et parfois on la refuse à 13,5 mètres. Mais parce qu'il y a plein d'autres éléments dans le dossier qui amènent à le juger de cette manière-là. Hein? Si on mettait une règle absolue, jamais plus de 13 mètres, point, ben on refuserait parfois de bons projets, de très bons projets sur lesquels tout le monde serait d'accord dès qu'on le verrait à 13,10 mètres. Et alors on crierait au scandale des règles excessives qui ne permettent plus l'appréciation humaine d'un dossier parce qu'on est devenu plus humain mais mathématique. Bon. Mais on aurait des règles comme ça en disant 4 ans et demi, 2 enfants mais pas un, ce serait inhumain. Et on dirait les fonctionnaires ne font qu'appliquer des règles inhumaines et quand bien même ils voudraient des personnes, ils ne pourraient pas. Où serait l'humanité là-dedans? Et on aurait un débat d'une toute autre nature. Et donc l'excès de règles n'est pas une solution non plus. Et c'est la grande difficulté, c'est qu'il faut une base réglementaire. Il y a des critères. C'est faux de dire qu'il n'y a pas de critères. Il y a une série de critères qui sont connus globalement. Et puis la manière dont chacun rentre plus ou moins dans ces critères. Et chaque histoire, chaque parcours, chaque projet de vie est différent. Et donc, il y a aussi l'appréciation que fait l'administration. C'est rarement un seul fonctionnaire, c'est plusieurs. Donc, il n'y a pas trop d'erreurs de vision unique. Après, il y a la manière dont on a estimé l'estimation que ça rentrait pas dedans. Bien sûr, chaque citoyen conserve le droit de tout critiquer en Belgique et de ne pas apprécier et de vouloir créer un débat public sur la manière dont ont été délivrés les permis de bâtir ou dont sont délivrés les titres d'accès au territoire. Bien sûr, et c'est légitime. Et c'est d'ailleurs utile au débat démocratique parce que s'il y avait des dérives, ça permettrait de les voir, de les découvrir et d'y mettre fin. Et donc c'est utile qu'il y ait ça. Et c'est peut-être parce qu'il y a ce droit de critiquer qu'il n'y a peut-être pas de dérives. C'est essentiel à la démocratie. Donc, voilà. Alors, pour terminer, sur la liberté d'expression, vous concluez là-dessus en disant que c'est nécessaire d'avoir des citoyens qui réagissent, observent, critiquent, analysent, argumentent par rapport à des dérives qu'ils ont observées. En Belgique francophone, on a connu une certaine, menace, voire sanction pénale pour des gens nationaux qui avaient soutenu une personne qui ne voulait pas quitter le territoire. Elle avait reçu un ordre de quitter le territoire et pour des raisons de mariage forcé, elle voulait s'établir en Belgique et ces personnes qui l'avaient soutenue se sont vues à un procès. Se sont vus jugés négativement, inculpés et jugés négativement, alors qu'ils faisaient ce travail de liberté, enfin qu'ils exerçaient la liberté d'expression de dénoncer un cas d'une personne qui avait l'obligation de quitter le territoire, alors même que si elle retournait dans son pays, elle se voyait un mariage forcé, ce qui posait la question de notamment le réfugié politique par rapport au genre, donc par rapport aux femmes, etc. Il demeure que ces personnes ont exercé cette liberté d'expression et se sont vues condamnées. Alors voilà, les dérives dont vous parliez sont là dans ce cas-ci. Et la sécurité des gens qui soutiennent le mouvement des sans-papiers est parfois un peu mise en menacée. Quelle est votre opinion là-dessus ? Belle question. C'est le cas en France. Je pense. Oui, belle question. Mais cette question est malheureusement pleine d'amalgame. Pleine d'amalgame. Ça ne veut pas dire que le cas n'est pas sympathique. Mais si on veut le traiter, moi je ne suis pas juriste, mais à force d'être bourgmestre ou député, de voir des bouts de loi, des textes de loi, on commence à avoir la formation juridique et le droit, aussi imbuvable soit-il parfois, c'est ce qui permet quand même de garantir les droits des gens, donc d'assurer des règles de vie en société qui sont utiles. Si des personnes, je ne connais pas le cas que vous citez, hein, mais si des personnes ont été inculpées, amenées devant le tribunal et condamnées, c'est qu'il devait y avoir une infraction par rapport à un délit un délit en tout cas. Donc, il y avait un délit. Il devait y avoir délit. Sinon, je ne vois pas beaucoup de juges et de tribunaux pendant longtemps poursuivre des gens sans délit. Ça n'existe pas dans une démocratie comme la Belgique ou la France. Ça n'existe pas. Il y avait donc délit. Le délit n'était pas d'avoir exprimé une opinion. Le délit est d'avoir sans doute hébergé ou soustrait à la justice, à l'obligation de contrainte, quelqu'un qui devait quitter le territoire. Ça, oui. Et ça, c'est malheureusement un délit. Ça n'empêche pas le droit d'expression. Le droit d'expression et le droit de critique, il est absolu. Et on peut critiquer la politique d'immigration, que l'on soit en Belgique ou que l'on soit à l'étranger. Que le cas que l'on critique est quelqu'un qui est encore sur le territoire ou n'est plus sur le territoire, ou même pas encore sur le territoire. Donc, ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression, qui est un droit absolu. Ça n'a rien à voir. Alors, c'est évidemment plus sympathique, plus confortable, si on veut aider quelqu'un en particulier, de l'avoir aidé, de l'avoir ici, bien sûr. Mais ça, c'est vouloir quelque chose que le droit ne reconnaissait pas encore. Donc, on n'a pas le droit tout seul, en Belgique ou en France, de se faire justice. Donc, je n'ai pas le droit, moi tout seul, de dire, même si la société entière, les tribunaux, l'administration ont dit que monsieur un tel ne peut pas être sur le territoire, moi je veux que oui, je l'héberge chez moi. Ça, c'est se faire justice tout seul. Alors, c'est peut-être sympathique ici, dans le cas de quelqu'un qui vit mal à l'étranger, qu'on ferait venir ici chez soi, qui pourrait dormir dans la chambre d'amis chez moi. C'est un côté sympathique, mais c'est quand même se faire justice tout seul. Par contre, si c'est moi qui allais zigouiller le meurtrier de ma petite cousine, ce serait se faire justice de manière moins sympathique. Dans les deux cas, ce n'est pas acceptable dans un état de droit. Ce n'est pas chacun tout seul qui décide, c'est une règle collective parce que ça engage la collectivité. Et quand bien même on est dans l'opposition par rapport à la règle collective, on a le droit de critiquer la règle collective, on a le droit de faire le débat politique pour faire bouger la règle collective, mais on n'a pas le droit de ne pas se l'appliquer à soi-même ou aux autres. Sinon, il n'y a plus de société qui fonctionne. Et donc c'est ralent d'être dans la minorité. C'est ralent de n'avoir pas encore raison. Aujourd'hui, moi, je suis au pouvoir à Scarbec, donc aujourd'hui, j'ai la majorité, c'est confortable. Mais j'ai été dans l'opposition, je sais que c'était ralent. Et à l'époque, c'était pour des bonnes choses, c'était pour lutter contre Knowles et sa politique. Et je pensais que j'avais raison, et je voulais faire les choses comme je le voulais. Mais je n'avais pas encore la légitimité pour le faire, parce qu'il a fallu que je construise une majorité pour le faire. Il en va de même pour le débat sur l'accueil des sans-papiers. C'est un débat politique qui doit se faire dans la sphère politique, dans le respect des règles démocratiques, et sans se faire justice tout seul. Et ça, je crois que c'est fondateur de notre société. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, c'était un entretien avec Bernard Clairfailly, le bourgmestre de Scarbec, qui est membre du Front de défense des francophones, qui est une composante du mouvement réformateur de Belgique. Bernard Clairfailly est également député fédéral depuis peu. Il était député régional jusqu'alors, depuis une quinzaine d'années. Cet entretien que l'on vous passait pour la dernière fois, qui a été notre seul reportage de ce mois de février, évidemment cet entretien on vous l'a fait écouter un peu à titre d'archive aussi, puisque la position du monde politique et particulièrement du MR en Belgique francophone aurait peut-être tendance à changer ces derniers temps. On s'achemine peu à peu peut-être vers des politiques lorgnant un peu vers ce qu'on a appelé en France l'immigration choisie et qu'on appelle en Belgique l'immigration par le travail. On commence à envisager une politique de quotas en fonction des métiers en pénurie. C'est quelque chose qui commence à pointer le bout de son nez et qu'on suit avec attention puisque ça offre évidemment un certain espoir et pose à la fois un certain nombre de questions. Je vous rappelle les quelques informations que je disais en début de cette émission et qui peuvent nous intéresser tous. Il y a d'abord un appel qui est lancé par l'UDEP Bruxelles qui se réunit tous les lundis à 18h30 à la salle Le Cosmos devant l'église d'Anderlecht. C'est au cours de d'AG qui ont pour but d'organiser une nouvelle action pour obtenir la régularisation. Il y a déjà 60 sans-papiers qui se sont réunis lundi dernier. Rendez-vous donc lundi prochain, 18h30, la salle Le Cosmos devant l'église d'Anderlecht. Je devais aussi vous rappeler qu'au 91 rue Royale, la grève de la faim a donc cessé mardi dernier. Les 150 occupants du 91 rue Royale disposent d'une carte une carte de séjour de 3 mois, 3 mois durant lesquels vont être examinées les demandes de régularisation les plus urgentes selon des critères qui correspondent plus ou moins aux critères qui avaient été négociés dans les accords de l'Orange Bleu, c'est-à-dire la possibilité pour des personnes ayant à charge des enfants et résidant en Belgique depuis plus de 3 ans d'être régularisées, la possibilité pour les célibataires résidant depuis plus de 4 ans, et aussi une ouverture sur cette fameuse régularisation par le travail dont je parlais plus haut, c'est-à-dire la possibilité pour un sans-papier qui aurait obtenu d'un employeur une promesse d'embauche de pouvoir être régularisé. Les occupants du 91 rue Royale sont donc toujours au 91 rue Royale et préparent en ce moment les formulaires qu'on leur a demandé de remplir et les CV que l'administration leur réclame. Et pour la fabrication de ces CV, toute assistance est la bienvenue. Un appel a été lancé, donc vous pouvez vous pouvez vous rendre au 91 rue Royale et proposer votre assistance. Si vous êtes bilingue, c'est encore mieux. Enfin, je rappelle que près du 91 rue Royale, à la place de la Liberté à Bruxelles, se tiendra encore demain, mercredi, un cercle du silence que vous pouvez rejoindre, porter un flambeau et manifester votre soutien aux sans-papiers de Belgique, à qui les partis politiques ont tant promis et si peu donné pour l'instant. Voilà, c'est ainsi que s'achève le journal sans papier, numéro 14 de février 2008. On se retrouve dans deux semaines. La semaine prochaine, mardi soir, à la même heure, vous avez rendez-vous avec les objecteurs de croissance. Les objecteurs de croissance, et oui, c'est tous les premiers mardis du mois à 19h, sur Radio Panique 105.4, ou sur le stream, ou sur le site La Petite Radio. Et quant au journal sans papier, donc on se retrouve dans deux semaines, à la même heure, à 19h, en mars. À bientôt. Papier pour tous.